طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc maintenant c'est le cours 20 qu'on commence aujourd'hui. Et on est encore au quatrième point parmi les points qui annulent l'islam ou qui font qu'une personne sort de l'islam. Et on a clarifié la question de al-hukm bi ghayri ma anzalallah, le jugement par autre que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Et on a expliqué qu'il y a certaines catégories de ces choses-là, de ces exemples qui font sortir de l'islam une personne complètement. Et il y en a une catégorie qui ne fait pas sortir quelqu'un de l'islam, mais qui représente uniquement un grand péché et qui est kufr duna kufr. Donc, on a expliqué ça. Maintenant, il y a d'autres points à clarifier à ce sujet-là encore. C'est pas terminé. Le cheikh il dit, cheikh al-Fawzan, وَمِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْحُكْمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ لَيْسَ كَمَا يَفْهَمُ بَعْضُ النَّاسِ الَّذِينَ يَنْتَسِبُونَ إِلَى الدَّعْوَةِ إنه الحكم في المنازعات المالية والحقوق فقط ولا يطالبون إلا بهذا الشيء وأن يحكم بما أنزل الله في المحاكم فقط. نعم هذا حق، يجب أن يحكم بما أنزل الله في الخصومات التي تجري في المحاكم وأن تحل الخصومات والمنازعات بين الناس بالشريعة، ولكن ليس الأمر قاصرا على هذا، بل يجب الحكم بما أنزل الله في العقائد التي هي أهم شيء. فأهم شيء العقيدة، والناس مختلفون فيها، فلا بد أن يحكم بينهم بما أنزل الله، فتبين لهم العقيدة الصحيحة من العقيدة الباطلة. أما أن يقال دعوا الناس على ما هم عليه من العقائد ولا تنفر الناس وكل له عقيدته، فهذا لا يجوز وهو كلام باطل. ومن أجاز أن يختار كل إنسان العقيدة التي يريدها، وأما الناس أحرار في الاعتقاد، فهذا يرتد عن دين الإسلام. للشيخ explique un point maintenant au sujet du fait de juger par autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou du fait de juger selon la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit qu'on a expliqué maintenant tout à l'heure les règles qui ont rapport à al-hukm bima anzalallah wa al-hukm bi ghayri ma anzalallah. Maintenant, le shaykh il dit que cette question-là, c'est pas comme les gens s'imaginent. Le fait de juger par ce qu'Allah a révélé, ça se limite pas uniquement à ce que les gens comprennent aujourd'hui. La plupart des gens, quand tu parles du fait de juger selon la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils pensent que ça se limite uniquement aux dirigeants d'un pays, ou que ça se limite uniquement à un juge dans un tribunal, ou que ça se limite uniquement aux questions qui ont rapport avec les disputes, quand c'est des questions qui ont rapport avec les biens, et quand c'est des disputes qui ont rapport avec les droits des individus. Ils croient que ça se limite uniquement à ces choses-là, d'accord. Et il y a parmi les gens qui se prétendent être de la da'wa, ou qui prétendent faire de la da'wa, ils pensent ou ils se concentrent uniquement sur le fait de juger par la loi d'Allah dans ces questions-là seulement. Et le cheikh, il dit, qu'il croit que le jugement de, selon la loi d'Allah, c'est uniquement dans les tribunaux, puis dans la cour, et les trucs qui ont rapport avec les choses judiciaires et les trucs de ce genre. Il dit, oui, tout ça c'est vrai, c'est obligatoire de juger selon la charia dans ces questions-là, dans les disputes qui arrivent, ou les disputes qui existent dans les tribunaux. Ça c'est une partie de ce que signifie juger selon la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on juge entre les disputes, entre les gens qui ont des problèmes ou des conflits, on juge selon la charia, ou bien de juger selon les entre les gens selon la charia dans les questions qui ont rapport avec les peines, ou les punitions, ou les crimes, hein, comme par exemple de couper la main du voleur, de lapider les gens qui font la fornication, de ceux qui font l'adultère, et de fouetter ceux qui font la fornication, de fouetter ceux qui sont qui consomment de l'alcool ou des trucs comme ça, ils croient que c'est juste là-dedans la charia, et que c'est juste là-dedans qu'on doit juger selon la loi d'Allah, et ça c'est faux, c'est pas uniquement dans ces affaires-là. Hein, c'est dans tout ce qui a rapport avec l'islam, dans la, tout ce qui a rapport avec la religion. Et c'est ça que le chef explique. Il dit que c'est vrai qu'il faut juger par la charia dans ces choses-là, mais c'est pas uniquement dans ces choses-là. Il faut juger selon la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il y a de plus important dans l'islam, et c'est l'aqida, c'est la croyance. C'est obligatoire de juger selon la charia dans les questions de croyance entre les gens. Parce que les gens ont des divergences entre eux. Ils sont, différents dans leur aqida, hein. Et donc c'est obligatoire de juger dans les questions de aqida selon la charia pour savoir quelle aqida est bonne et quelle aqida est mauvaise ou fausse, hein. Et il y en a parmi les gens qui disent non, rentrez pas dans les croyances des gens, laissez chacun croire comme il veut et comprendre comme il veut la croyance, hein. Et ne faites pas fuir les gens en rentrant dans les questions d'Aqida, non. Le cheikh, il dit, c'est pas permis et c'est pas correct de dire des telles choses ou de penser comme ça. Celui qui permet ou qui pense que chacun est libre et peut choisir la croyance qu'il veut, hein, et qu'il est libre dans sa croyance et dans sa conviction, alors il a quitté la religion de l'islam. Parce qu'il n'y a personne qui est libre de choisir la aqida qu'il veut. Il doit croire en ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il doit croire en ce qui est ramené par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh dit, « فالواجب أن تكون العقيدة وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في توحيد الربوبية وفي توحيد الألوهية وفي توحيد الأسماء والصفات. » Le cheikh dit qu'il est obligatoire que la aqida qu'on a, notre conviction, notre croyance, soit en accord avec le Coran, et soit en accord avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les questions qui ont rapport avec tawhid al-rububiyya, l'unicité d'Allah dans la souveraineté, l'unicité d'Allah dans l'adoration, l'unicité d'Allah dans les noms et dans les attributs. Donc c'est obligatoire de juger par le Coran et par la sunna et par la compréhension des salafs bien sûr dans ces questions-là. Et il y en a, on sait, beaucoup de sectes et beaucoup de religions qui ont dévié dans leurs croyances à ces sujets-là. Et donc, c'est obligatoire pour nous de juger dans ces questions-là selon la révélation, et non pas selon nos opinions personnelles ou selon nos opinions personnelles. Le cheikh il dit, « فَتَوْحِيدَ الْأُلُوهِيَ يَجِبُ الْحُكُمْ فِيهِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ بِأَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنَّ عِبَادَةَ مَا سِوَاهُ شِرْكٌ أَكْبَرُ يخرج من الملة ولا بد من الحكم بهذا وهذا هو الأساس والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وما أرسله من أجله من أجل أنه يفصل في أن يفصل الخصومات فقط أو أن يفصل بين الناس في الخصومات فقط، بل أرسله لكي يدعو إلى العقيدة ويصححها، وهذا هو الأمر الذي بدأت به الرسل، فهي تبدأ بالعقيدة، وليس مرادهم حل الخصومات فقط، بل تبيين العقيدة الصحيحة، ويحكم على من خالف العقيدة الصحيحة أنه كافر ومشرك، ومن عبد غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله ومن استغاث بغير بالأموات فهل يترك فهل يترك هذا ولا يحكم عليه بما أنزل الله؟ إن هذا وإن تخاصم مع أحد في شاته يقال احكم بينهما بما أنزل الله واتركوه على عقيدته إن كان وإن كان مشركا فهذا لا يجوز ولا بد من الحكم بما أنزل الله أولا في العقيدة. دونك الشيء يمزي ك يعني dans les questions qui ont rapport par exemple avec Tawhid al-Uluhiyya, le cheikh donne des exemples dans l'unicité d'Allah dans l'adoration. C'est obligatoire de juger selon la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et la révélation dans ce sujet-là. Parce que l'adoration, elle ne peut être offerte qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas le droit d'offrir l'adoration à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et quiconque offre une forme d'adoration à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, alors il a commis une forme de shirk majeur qui le fait quitter l'islam. Et il est obligatoire pour quelqu'un de juger selon cette chose-là. Maintenant, il y a des gens qui se prétendent faire la da'wa ou faire partie des gens qui sont dans la da'wa ou qui ont des groupes qui se disent défendre l'islam et défendre la sharia, et que lorsque tu leur demandes de juger dans ces questions-là, ils jugent dans l'aqida selon autre que ce que selon la sharia d'Allah. Et quand tu leur demandes au sujet de tawhid al-ibada, ils te disent non, ça c'est pas shirk. Quand quelqu'un adore autre que Allah, non, ça c'est pas shirk. Est-ce qu'ils jugent selon la loi d'Allah? Non, bien entendu. Donc comment le cheikh il donne des exemples. Il dit donc le juger dans l'aqida c'est la base en réalité. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, et quand il l'a envoyé au Yémen, il lui a dit que la première chose à laquelle tu appelles ces gens-là, soit de leur faire témoigner de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. C'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah subhanahu wa ta'ala, et que Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le cheikh il dit, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas uniquement envoyé Mu'adh ibn Jabal pour juger dans les disputes entre les gens. Il l'a envoyé premièrement pour appeler les gens à la bonne aqida, et c'était la chose à laquelle, ou c'est la chose par laquelle tous les messagers d'Allah, des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala ont commencé leur da'wa par la aqida. Et le cheikh il dit donc que le but c'était pas uniquement de venir juger dans les disputes entre les gens, en fait ils sont venus pour clarifier et montrer aux gens la bonne croyance et la bonne aqida. Et il juge entre celui qui a la bonne aqida et celui qui a une mauvaise aqida. Et celui qui contredit la bonne aqida, de dire à son sujet, il est kafir, il est mushrik. Et quiconque adore autre que Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple qui égorge un animal ou sacrifie un animal pour une idole ou pour un saint ou pour une tombe ou pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est mushrik, ou bien qu'il fait un vœu pieux pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien qu'il cherche le secours, qu'il appelle au secours quand il est en détresse, il a un malheur, il crie au secours, et au lieu d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle quelqu'un qui est mort dans sa tombe, un saint ou un wali, et il lui demande de l'aider. Ça c'est un exemple de shirk. Et yani, il y a des gens dans ces questions-là, ils ne jugent pas selon la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu leur demandes qu'est-ce que vous dites au sujet des gens qui font ces choses-là, ils vont vous dire oh non, ça c'est pas shirk, c'est juste une erreur que les gens font, puis ils ne disent pas la vérité à ce sujet-là. Ils ne jugent pas selon la charia d'Allah à ce sujet-là, ils jugent selon leur passion et leur désir. D'accord? Donc le cheikh il dit comment ça se fait, comment on peut comprendre que si des gens se disputent entre eux au sujet d'un mouton ou d'une chèvre, les gens vont dire jugeons selon la charia d'Allah. Puis quand tu parles des questions qui ont rapport avec l'adoration et l'aqida, tu dis non, laissez-le croire en ce qu'il veut et ne jugez pas sa aqida, laissez-le comme il est, même s'il est mushrik. Il dit ça c'est pas permis. La base c'est l'aqida, vous mettez ça de côté comme si c'était pas important, puis la question au sujet d'un mouton, que des gens ont une dispute un qui dit c'est à moi, l'autre qui dit non c'est à moi, et là ça c'est des questions que vous dites, il faut juger selon la loi d'Allah. Mais la question qui est la plus importante dans l'islam, ça vous la laissez aux hommes, et vous laissez chacun vers qu'il peut croire en ce qu'il veut. Alors le cheikh il dit non, ça c'est pas correct, il faut commencer à juger dans l'aqidah, il faut commencer à appliquer la loi d'Allah en premier dans les questions qui ont rapport avec la croyance et la tawhid al-ibadah. Donc là on voit un peu comment les gens qui appellent à ce qu'ils dénomment ou ce qu'ils ont désigné comme étant tawhid al-hakimiyya, hein, parmi les qutbiyya et les sururiyya, et des gens qui se prétendent salafis puis qui se concentrent sur ce point-là en particulier et qui négligent tout le reste, hein, et qui font le takfir des, ils utilisent cette chose-là en fait comme un tremplin pour se justifier dans le takfir, dans le fait de déclarer les dirigeants comme étant des koufars, et pour par la suite pour se justifier dans les coups d'État et les attentats et les rébellions contre les gouvernements musulmans. Donc ils utilisent cette question-là comme un point central pour concentrer leur, pour concentrer l'énergie des gens là-dessus, et pour les dévier en fait, et pour les amener à commettre ces actes parfois qui sont contraires à l'islam. Donc c'est important de bien distinguer la différence entre ceux qui sont sur la vérité à ce sujet-là et ceux qui suivent la passion et les bid'ah à ce sujet-là. Et il donne encore d'autres exemples, Cheikh, à ce sujet-là. Il dit « وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ فَيُحْكَمُ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالْأَشَاعِرَةِ وَالْمَتُرِيدِيَّةِ وَالْخَوَارِجِ وَالْمُرْجِئَةِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَيُبَيِّنُ بُطْلَانَ عَقَائِدِهِمْ وَأَمَّا تَوْحِيدَ الرُّبُوبِيَّةِ فَلَا نِزَاعَ فِيهِ أما أن يقال اتركوا الناس على عقائدهم فهذا أمر باطل ومنكر وهذا مخالف لدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام وخصوصا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والأسماء والصفات قد حصل فيها نزاع بين الطوائف بين أهل السنة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية فلا بد أن يحل هذا النزاع الذي حصل بين هذه الطوائف بأن يرجع إلى كتاب الله ويحكم بما أنزل الله ويبين صواب المصيب وخطأ المخطئ ولا يترك الناس بدون بيان وبدون حكم وحكم الله شامل في العقيدة وفيما دونها. Donc le chef il explique que non seulement dans توحيد العبادة mais aussi dans توحيد الأسماء والصفات, dans الأسماء والصفات on doit juger selon ce que Allah a révélé. On doit juger les Jahmiyyah, on doit juger par rapport aux Mu'tazila et aux Asha'ira et aux Maturidiyah, toutes ces sectes qui ont dévié dans la question des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les Jahmiyyah qui ont mis tous les noms et les attributs d'Allah. Les Mu'tazila qui ont affirmé les noms et qui ont nié les attributs. Les Asha'ira qui ont affirmé les noms et qui ont affirmé certains attributs et qui ont nié d'autres, hein, et les maturidiyah, la même chose, hein. Donc tous ces groupes-là ont dévié au sujet de l'asma sifat, de même que les khawarij et les murji'a qui ont dévié dans d'autres questions de la foi, hein. Donc on doit juger entre ces sectes selon ce qu'Allah a révélé, pour déterminer qui a raison et qui a tort, hein, pour déterminer qui est sur la vérité et qui est sur l'erreur, et de ne pas dire que il faut laisser chaque personne croire en ce qu'il veut ou de la façon qu'il veut. Si tu fais ça, ça en fait c'est une chose qui est fausse, qui est mauvaise et qui est en contradiction avec la façon dont les messagers d'Allah, alayhi salatu wassalam, appelaient les hommes à l'islam. Et en particulier notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les noms et les attributs d'Allah, la question des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a eu beaucoup de divergences qui sont arrivées entre les groupes et entre les sectes à travers l'histoire islamique. Et les premières déviations sont apparues à ce sujet-là depuis très tôt dans l'histoire de l'islam. Hein, des gens ont dévié à ce sujet-là. Et donc c'est important de clarifier le verdict de la vérité de l'islam à ce sujet-là. et de distinguer entre les gens de la Sunna et les autres qui ont dévié de la Sunna, comme par exemple ceux qu'on a mentionnés, les Jahmiya, les Mu'tazila, les Asha'ira et les Maturidiya. Il faut ramener toutes ces divergences entre eux qui sont apparues à travers ces groupes, hein, et parmi ces groupes, et de les ramener au Coran et de les ramener à la Sunna pour qu'on puisse juger entre ces différentes bid'ah et toutes ces différentes positions selon ce que Allah a révélé, pour savoir qui a raison et qui a tort, et qu'on ne laisse pas les gens sans leur clarifier le verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est complet, hein, pour tous les aspects de la vie. Donc comment on pourrait dire que Allah n'a pas jugé ou n'a pas tranché dans les questions qui rapportent à ce qui est de plus important? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a envoyé un messager, et ce messager-là, il nous a appris tout ce qu'il y a d'important dans la vie, et même les choses les plus quotidiennes, les choses qui sont les plus simples de la vie, même comment, par exemple, quand on va aux toilettes, quand on va faire nos besoins, comment se laver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a même pas négligé ça. Donc, comment on pourrait dire que s'il a clarifié toutes ces choses-là, il ne va pas clarifier ce qu'il y a de plus fondamental dans la religion, c'est-à-dire la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala et la croyance en ses noms et en ses attributs, qu'il aurait laissé à chaque personne penser et dire à ce sujet-là ce qu'il veut et ce qu'il pense. Hein, si on allait jusqu'à dire ces choses-là, ce serait certes absurde. Et donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre cette question-là, pour répondre justement à ceux qui appellent à Al-Hakimiyya seulement, et qui, quand c'est le temps de trancher dans les questions de l'ibad, tawhid al-ibad, et tawhid l'asma al-sifat, et des autres questions qui ont rapport avec Al-Aqida, ils veulent mettre ça de côté et dire non, ne tranchez pas entre les sectes, ne tranchez pas entre les gens, parce que vous allez, soi-disant, diviser les gens, vous allez faire fuir les gens, vous allez, etc., etc., hein, et qui disent non, il faut être unis, hein, parce que il y a soi-disant des gens qui sont contre la foi ou contre l'islam, et donc il faut être ensemble contre eux pour protéger notre religion. Non, ces gens-là qui sont à l'intérieur de la Umma, ils sont en train de détruire l'islam de l'intérieur, ils sont en train d'attaquer l'aqida de l'intérieur, hein. Et donc si on dit on laisse tout le monde et aller sur ce qu'ils sont en train de croire ou de suivre, juste parce qu'ils se disent musulmans, eh bien c'est bien entendu que ça va amener au désordre et à la corruption dans notre religion. Donc le fait de juger selon la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas uniquement dans les questions de jugement dans les tribunaux, mais en premier dans les questions de aqida. Et il y a un cheikh comme Cheikh Rabia al-Madkhali, hafizahullah, il a mentionné dans son livre qu'il a écrit, dans lequel il a réfuté certains mubtadi'a de notre époque, il a justement clarifié cette question-là, que le jugement à la charia, parce qu'il y a des gens qui appellent, disent, oh, on veut appliquer la charia, on veut établir un état islamique, puis quand c'est le temps de rentrer dans les questions de aqida, ils disent non, il ne faut pas parler de ça, il ne faut pas distinguer entre les gens, il faut laisser tout le monde sur ce qu'ils suivent. Donc c'est vous montrer que ces gens-là, en fait, ils ne veulent pas réellement appliquer la charia d'Allah, ils ne veulent pas juger réellement par rapport à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après le cheikh, il dit « وكذلك لا بد من تحكيم الشريعة في العبادات لأن هناك عبادات تتمشى على الكتاب والسنة وهناك عبادات محدثة ليس لها أصل في الكتاب والسنة فهذه بدع يجب بيان بطلانها يجب بيان بطلانها وقد بينه صلى الله عليه وسلم وفصل فيه فقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال صلى الله عليه وسلم وإياك ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فلا بد من تطبيق حكم الله عز وجل في العبادات فما وافق الكتاب والسنة فهو صحيح وما خالف الكتاب والسنة فهو باطل ولا يجوز التساهل في هذا الأمر والتغاضي عنه وأن يقال اترك الناس لا تنفروهم فنقول نحن لا ننفر ولكننا نريد الخير للناس ونريد أن يرجعوا إلى الصواب وإلى الحق لأن هذا أصلح لهم في دنياهم وآخرتهم وهذا هو الاجتماع الصحيح أما إذا تركناهم على ما هم عليه من بدعة وشرك وتعطيل لأسماء الله وصفاته فهذا غش للأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله لكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الشيخ الزي qu'il est obligatoire également de juger selon la charia d'Allah dans les questions d'adoration. Parce qu'il y a des adorations qui sont en accord avec le Coran et la Sunna, et il y en a d'autres adorations qui sont innovées, qui ne font pas partie de la religion, qui ont été inventées. Et ces adorations-là, elles n'ont aucun fondement dans le Coran ni dans la Sunna. Et donc, il est obligatoire de clarifier leur fausseté et de montrer qu'elles ne sont pas vraies, hein, que ce sont des innovations, des bédards. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié ces choses-là très clairement dans la Sunna. Et il l'a expliqué, comme par exemple al-Mawlid Nabawi, le fait de célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quelque chose qui est pratiqué partout dans les pays musulmans, ou dans la plupart des pays musulmans. Et pourtant, ce sont des choses qui n'existaient pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni des sahaba, ni des tabi'in, ni des tabi'i tabi'in. Et c'est des choses qui ont été ramenées à travers les pays musulmans par la suite, par des gens qui voulaient essayer d'imiter les chrétiens qui fêtaient Noël. Et donc ils ont amené ça dans les pays musulmans et ça s'est transmis par la suite à cause de l'ignorance. Mais ça ne fait pas partie de l'islam. Hein. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, elle sera rejetée. Elle ne sera pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Même si elle est faite avec une bonne intention, même si quelqu'un le fait pour le bien, il pense faire le bien, elle ne sera pas acceptée de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également, faites attention ou prenez garde aux nouvelles, aux choses nouvelles qui sont inventées dans la religion. Parce que toutes ces choses-là sont, toutes ces choses nouvelles sont des innovations et toute innovation est un égarement. Hein. Et, ce hadith-là nous explique donc que dans les questions de religion, on n'a pas le droit d'inventer des nouvelles façons de prier ou de jeûner ou d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est nécessaire pour nous, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça, ça a été clarifié par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a rien qui manque dans la religion. Tout a été complété. Donc, le cheikh dit que c'est nécessaire de juger dans les adorations selon le verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, parce qu'il y a des gens parmi les musulmans qui font toutes sortes d'innovations. Il y a des gens qui font des formes de dhikr, hein, qui sont contraires à l'islam. Et si tu leur dis, par exemple, non, qu'est-ce que vous faites, c'est pas correct, parce que c'est pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait comme ça, eux, ils vont répondre, ils vont dire, quoi, tu veux nous interdire de faire le dhikr? Non, on veut pas vous interdire de faire le dhikr. Le dhikr, ça fait partie de l'islam. Le dhikr, c'est bon. Allah subhanahu wa ta'ala, il a glorifié les gens qui font le dhikr. Mais il y a des manières et des règles à suivre pour faire le dhikr. Que Allah, pour que Allah les accepte ou l'accepte, il faut que ça respecte la sunna. Si tu veux faire du dhikr d'une façon qui est contraire à la sunna, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas accepter ton dhikr. Donc c'est pas juste de faire le dhikr, mais c'est de comment tu fais le dhikr, hein. Si tu vas t'asseoir en rond puis on commence à tous faire ho, ho, ho en rond tous ensemble, ou bien qu'on commence à danser ou à faire de la musique, puis à tourner en rond dans la mosquée, puis on dit que ça c'est du dhikr, on va te demander, mais amène ta preuve. C'est quoi ta preuve dans le Coran ou dans la Sunna que ce que tu fais ça, que quand tu fais ça c'est du dhikr, hein? Ou de dhikr, on va tous par exemple faire le dhikr en même temps à haute voix, et qu'on va répéter la même chose. Allahu Akbar, ou bien Subhanallah, ou bien Allah, Allah, Allah, ou bien d'autres choses comme ça. Amenez-nous une preuve du Coran et de la Sunna authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça. Si vous nous amenez la preuve, on va le faire avec vous. Et on va dire oui, c'est correct. Mais jusqu'à ce moment-là, tant que vous ne nous amenez pas la preuve, on ne va pas le faire. Et on va vous interdire de le faire. On va vous expliquer que ça c'est une innovation. Et que ça n'a jamais été fait. Ni par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni par les sahaba, ni par les tabi'in, ni par les tabi'i tabi'in. C'est ça la religion. Qui n'a pas été appliqué de l'islam par ces gens-là, eh bien ça ne fait pas partie de l'islam aujourd'hui. D'accord? Et ça c'est la réalité, c'est la vérité. Et il y en a parmi les musulmans qui disent non, il ne faut pas faire de distinction entre les groupes et entre les sectes. Tout le monde a des divergences, mais c'est correct, c'est permis. Et ça c'est faux. il y a des divergences qui sont basées sur le Coran et sur la Sunna, ou sur une ijma, dans le sens que certains ont compris différemment certaines choses selon les règles, hein, ou bien qui se sont trompés sur certaines questions par ijtihad, ils n'ont pas contredit un texte du Coran ou une Sunna ou une ijma. Mais il y en a d'autres qui amènent des choses qui sont complètement en dehors et qui veulent appliquer ces choses-là et qui disent non, il y a des divergences, ça c'est une divergence, mais c'est permis de diverger. Non, il y a des limites à la divergence, c'est pas toute divergence qui est acceptable. Hein? Et donc c'est permis de diverger si ça fait partie des questions d'ijtihad, mais si ça ne fait pas partie des questions d'ijtihad et que c'est contraire à un texte du Coran qui est clair, ou une sunna qui est claire, ou une ijma de la umma, dans ce cas-là, on n'a pas le droit de diverger et ça ne fait pas partie de ce qui est permis. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له وجه من النظر. Et ça, c'est une parole des ulama à ce sujet-là. C'est pas toute divergence qui est acceptable. C'est uniquement une divergence qui a une base, dans le sens qu'elle est basée sur, disons, quelque chose qui a une référence dans la charia. Hein, et non pas n'importe qui amène une divergence qui, selon son opinion personnelle ou selon ses passions. Donc, il faut juger dans ces questions-là selon la charia, selon le Coran et la Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et à son messager, si vous croyez vraiment en Allah et au jour dernier. Donc, c'est pas juste de dire je crois en Allah au jour dernier, puis après, tu penses que tu peux diverger comme tu veux. Le cheikh, il dit, il n'est pas permis de prendre ça à la légère, hein, et de dire, laissez les gens faire ce qu'ils font et ne les faites pas fuir, hein. Ou de dire, nous, on veut pas faire fuir les gens, laisser chaque personne faire ce qu'il veut. Il dit, nous, on veut pas faire fuir les gens, on veut uniquement le bien pour les gens. Et on veut que les gens reviennent à ce qui est correct et à ce qui est vrai. Ici, dans les mosquées, j'ai remarqué une chose, souvent, les frères, il y a des conflits. Il y a des conflits de génération, entre les jeunes et les vieux. Il y a des jeunes qui ont, par exemple, appris certaines choses et qui ont des conflits avec ceux qui sont plus âgés, qui ont appris des choses différentes. Et ils savent pas comment trancher parfois. Hein. Et c'est pour ça que, dans des questions comme ça, il faut retourner au Coran et à la Sunna. Et à qu'est-ce que les salafs ont suivi. C'est pas de dire, par exemple, ok, on va vous permettre de faire ça un jour, puis nous un autre jour on va faire ce qu'on veut. Si toutes les mosquées revenaient au verdict du Coran et de la Sunna et jugeaient selon ce qu'Allah a révélé, il n'y aurait plus de conflits dans les mosquées. Il n'y aurait plus de problèmes dans les mosquées. Il n'y aurait plus de problèmes parce que on ramène tous nos conflits et nos désaccords au Coran et à la Sunna et à l'exemple des salafs salih. Mais, étant donné qu'on s'imagine que de juger selon la révélation d'Allah, c'est uniquement dans les questions des tribunaux, puis dans les cours et dans les questions faire part avec les dirigeants et les juges, on pense que dans les mosquées, par la suite, on peut juger entre nous comme on veut et faire ce qu'on veut. Hein. Celui qui pense que de faire ça c'est correct, il veut le faire parce que la majorité est d'accord. Puis, quand c'est une minorité qui n'est pas d'accord, parce qu'ils sont moins nombreux, ils n'ont pas le haq. Alors que ça n'a rien à voir. Hein? La vérité, c'est pas par rapport à la quantité des personnes qui veulent faire quelque chose, ou au petit nombre ou au grand nombre. La question, c'est est-ce qu'ils ont la preuve avec eux, et est-ce qu'ils font, c'est en accord avec le Coran et la Sunna, et la voie des salafs, ou bien c'est en contradiction. Si c'est en contradiction, il faut l'interdire, il faut arrêter de le faire et revenir à la vérité. Même si c'est amené par quelqu'un qui est jeune, même s'il a juste 10 ans, même si c'est quelqu'un qui a 10 ans, mais qu'est-ce qu'il dit? C'est le kitab wa sunna et c'est la parole des salafs, on doit l'accepter. Même si la personne qui le contredit, il a 70 ans ou 80 ans. Peu importe son âge. La vérité, ça n'a pas rapport avec l'âge. La vérité, ça a rapport avec ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça la vérité. C'est pas par rapport à l'âge. Si la personne qui est plus âgée a la vérité, et que qu'est-ce qu'il dit? C'est qala Allah, qala Rasulullah, qala sahaba, on l'accepte. Alhamdulillah. Mais si ce que l'enfant de 10 ans dit, c'est la vérité, on l'accepte, même si c'est en contradiction avec ce que les personnes qui sont plus âgées ont dit. Al-Haq, on doit l'accepter de n'importe qui soit noir ou blanc, arabe ou non arabe, jeune ou vieux, hein, petit ou gros, peu importe, c'est pas ça l'important. L'important c'est qu'est-ce qu'il ramène, c'est qu'est-ce qui est en accord avec la vérité. Et ça c'est important de comprendre à ce sujet-là. Et donc le cheikh il dit, il y a des gens qui disent, ils disent il ne faut pas diviser les gens, ou bien il ne faut pas faire fuir les gens. Non, nous on ne veut pas faire fuir les gens, on veut ramener les gens à ce qui est bon pour eux, on veut que les gens reviennent à la vérité, qu'est-ce qui est la chose correcte, et ça c'est mieux pour eux, dans leur dunya et dans leur au-delà, et c'est ça qui va être en fait la vraie unité, le fait de s'unir, hein. C'est pas juste de s'unir, de dire on va être ensemble, hein, plus grand nombre, même si on est tous en divergence les uns les autres, on est tous en désaccord, un il fait ça, l'autre il fait ça, l'autre il fait ça, l'autre il croit ça, l'autre il croit à quelque chose d'autre, et on dit bon, on est tous réunis donc c'est correct, non, c'est d'être unis sur la vérité, c'est pas n'importe quelle union. Et le chef il dit, donc si on laisse toute personne faire ce qu'il veut, celui-là il fait une bid'ah, celui-là il fait un shirk, celui-là il nie les attributs d'Allah, celui-là il nie les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc on a trahi la Ummah. On a menti, on a trahi la Ummah si on a fait ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'il faut être sincère. Il a dit la religion c'est an-nasiha, c'est-à-dire qu'il faut être sincère premièrement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Les sahabes ont dit envers qui au messager d'Allah an-nasiha? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit premièrement envers Allah, ensuite envers son livre, ensuite envers son messager, ensuite envers les musulmans, les dirigeants musulmans et ensuite envers tous les musulmans. Donc c'est une question de sincérité envers Allah, hein, de respecter le droit d'Allah, de respecter le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de respecter et d'être sincère envers les dirigeants musulmans et envers tous les musulmans, de leur montrer ce qui est vrai, de dire ce que tu crois vraiment parce que tu crois que c'est la vérité et ce qui vient d'Allah et de son messager. Pas que tu dis quelque chose puis dans ton cœur tu crois le contraire, ou bien que tu veux faire plaisir aux gens, et donc tu t'empêches de leur expliquer qu'est-ce qui est vrai, non. C'est de leur dire telle qu'elle est la vérité, pour que les gens arrivent à ce qui est bien, à ce que Allah aime, et c'est ça le but. وكذلك التحاكم إلى الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن الله أمر بطاعته ونهى عن معصيته فيكون الناس يتركون ولا ينكر عليهم ولا يؤمرون ولا ينهون فهذا من تعطيل حكم الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم من يرى منكم منكرا أو من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Le cheikh il dit, de même que dans la façon dont on ordonne le bien et dont on interdit le mal, il faut revenir au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce sujet-là. Il faut donc ordonner l'obéissance d'Allah et interdire la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne faut pas laisser les gens dire ou faire qu'est-ce qui est mauvais, il faut leur ordonner de faire le bien et leur interdire ce qui est mauvais. Si on ne fait pas ça, eh bien c'est comme si on a, disons, annuler la validité de la charia. C'est comme si on a mis la charia de côté puis on la délaisse. Hein, et ça, c'est pas permis pour nous. Donc, il faut agir selon ce que Allah nous ordonne et commander le bien et interdire le mal. Bien entendu, il faut suivre les règles de l'islam à ce sujet-là et pas transgresser. Hein. Ordonner le bien dans les limites que ça va amener du bien et que ça va éloigner le mal. Hein, pas pour amener plus de mal que celui que tu veux interdire, hein, selon ce que les ulama ont expliqué à ce sujet-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque voit un munkar, quelque chose de haram ou de mal, qu'il le change avec sa main. S'il n'est pas capable, alors qu'il le change par sa langue. S'il n'est pas capable, alors qu'il le change par son cœur, et ça c'est le minimum de la foi. D'accord? Donc, par la main, c'est le dirigeant qui va changer le mal dans la société, par son autorité qu'il a. Hein, ou bien les policiers, ou bien les gens qui ont une autorité légale dans la société, hein, eux ils sont capables de changer le mal par la main parce qu'ils ont cette autorité-là. S'ils le font, ça ne va pas causer plus de désordre, hein, parce qu'ils ont cette permission de le faire. Toutefois, si tu veux changer le mal par ta main, puis que tu sais que ça va amener plus de mal que le mal que tu veux interdire, dans ce cas-là tu dois t'abstenir. De même que changer le mal avec la langue ou avec la bouche, eh ben, c'est en donnant le bon conseil et en expliquant le verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les différentes questions. Puis si ça c'est pas possible, alors tu changes par ton cœur. Et ça c'est le minimum. Et tout le monde est capable de le faire, ça. n'y a personne qui peut dire « je suis pas capable de changer le mal avec mon cœur ». Ça veut dire que tu détestes ce mal et que tu espères le changer si tu as la capacité et que tu fais tu as l'intention, hein. Donc ça c'est l'exemple du cœur. Le cheikh il dit « فحكم الله يأتي أيضا في أمور المخالفات التي هي دون الشرك والكفر فلا بد من بيان حكم الله فيها ويبين ما هو طاعة وما هو معصية وما هو معروف وما هو منكر ويلزم بذلك ويؤخذ على يد المخالف حتى يسلم المجتمع من الهلاك. أما إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا سبب لهلاك المجتمع جميعا الصالح والطالح. فالناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. الشيخ الزي قال ما يعني il faut aussi juger dans les questions de divergence et des choses sur lesquelles il y a des désaccords qui sont moins graves que le shirk, moins graves que le kufr, qui font juste partie des choses qui sont péchées et qui sont haram. Il faut clarifier le verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de ces choses-là, de ce qui est halal et ce qui est haram. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on parle de ça. Il y a des gens qui disent « Ah, vous, quand vous parlez de l'islam, c'est toujours halal, haram, halal, haram, halal, haram. » Comme si c'est quelque chose de mal. Alors que de savoir ce qui est halal et ce qui est haram, c'est une miséricorde. Si tu ne sais pas ce qui est halal et ce qui est haram, comment tu vas faire pour t'éloigner de ce qui est mauvais pour toi? Et comment tu vas faire pour faire ce que Allah aime, si tu ne sais pas ce qui est halal et ce qui est haram? Il y en a qui parlent de ça comme si c'était quelque chose de mauvais, comme si de savoir ce qui est haram c'est mauvais, alors qu'au contraire, si tu ne sais pas ce qui est halal et ce qui est haram, tu vas faire tout ce que tu veux, tu vas tomber dans ce qui est mauvais pour toi. Allah il nous a pas interdit des choses pour nous punir, il nous a il nous a interdit des choses, c'est pour nous protéger, pour nous éloigner de ce qui est mauvais pour nous. Donc celui qui pense que quand tu clarifies pour les gens ce qui est halal et ce qui est haram, tu veux par exemple leur rendre la vie difficile ou que tu veux faire des problèmes ou des choses de ce genre, non, celui-là il pense, s'il dit ça ou il pense ça, il n'a rien compris de l'islam, parce que tout ce que Allah nous a interdit c'est parce que c'est mauvais pour nous, et tout ce qu'il nous a ordonné c'est parce que c'est bon pour nous, d'accord. Donc c'est très important de bien comprendre cette question-là, et celui qui contredit l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui fait des péchés, eh ben il faut l'interdire de faire ce péché-là et le prendre par sa main. Sinon, toute la société va aller à sa perte. Toute la société va aller à sa perte. Donc le chef il dit que si on laisse tout le monde faire les péchés qu'ils veulent, eh ben c'est sûr, c'est comme un bateau qui coule. Il y a un hadith qui explique ça, l'exemple du bateau, les gens qui sont en haut et d'autres qui sont en bas, et ceux qui sont en bas et qui voulaient aller chercher de l'eau, ils dérangeaient toujours ceux qui étaient en haut, alors ils ont dit on va faire un trou dans le bateau pour prendre de l'eau directement dans la mer. Et les gens d'en haut, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si les gens d'en haut laissent les gens d'en bas faire le trou, et bien tout le monde va couler. Donc il faut faire quelque chose pour empêcher justement que le bateau coule, et c'est en ordonnant le bien et en interdisant le mal. Et donc si on ne fait pas ça, mais c'est pas le bateau qui va couler, parce que bien entendu c'est une comparaison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, la réalité c'est que c'est la société qui va couler, Allah va faire tomber un châtiment qui va englober tout le monde sans faire de distinction entre celui qui est bon ou celui qui est mauvais, tout le monde va périr, Le cheikh dit ensuite فَالْحُكْمُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَامٌ لَيْسَ خَاصًا بِمَسَائِلَ الْمُنَازَعَاتِ والخصومات في الأموال فقط كما يظن بعض الناس. أما أمور العقائد فالناس يتركون كل يختار ما يريد ويبقى على ما يريد، هذا أمر عظيم وخطير جدا. فحكم الله شامل لكل هذه الأمور وما هو أكثر منها. لشيخ الذكر de juger selon la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas quelque chose qui est particulier dans les questions de disputes et des choses qui ont rapport avec l'argent et les biens, comme certains s'imaginent, mais ça concerne toutes les questions en général et aussi les questions d'aqida. C'est pas que c'est juste comme on l'a expliqué, les choses de la dunya, puis les choses de l'aqida on les laisse chacun peut faire ce qu'il veut ou choisir ce qu'il veut. Donc ça c'est une chose très grave, très importante, et c'est très dangereux en fait de mal comprendre cette question-là. Et donc il faut comprendre que l'islam comprend toutes les choses, le verdict d'Allah ou le jugement d'Allah comprend toutes choses, et toutes ces affaires-là et plus encore. ويجب على الحكام أن يحكموا أن يحكموا بما أنزل الله وهذا من أعمالهم وأن يلزموا الناس بحكم الله قال تعالى إن الله يأمر أن يؤدوا إن الله يأمر أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله سميعا بصيرا إن الله كان سميعا بصيرا هذه في الحكام وفي المحكومين هذه في الحكام وفي المحكومين الآية التي بعدها مباشرة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فهذه في المحكومين فيجب عليهم أن يتحاكموا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique ici, il dit que c'est obligatoire pour les dirigeants, ceux qui dirigent dans les pays musulmans, de juger selon ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, et ça, ça fait partie de leur travail. Et ils doivent également imposer aux gens de juger ou leur imposer le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne le verset dans Surat al-Nisa, verset 58 dans Surat al-Nisa. Ça dit certes, Allah vous commande de rendre les amanats, c'est-à-dire les dépôts, ou au sens large, tout ce qui est dû à autrui, à leur ayant droit, à ceux qui ont droit à ces dépôts-là. Et quand vous jugez entre les gens, de juger avec justice. Quelle bonne exhortation qu'Allah vous fait. Allah est en vérité celui qui entend et qui voit tout. Donc le cheikh il dit que ce verset-là concerne les dirigeants. Ça c'est un verset qui concerne les dirigeants, ça c'est leur responsabilité d'appliquer ça dans leur jugement. Et toutefois, le cheikh il dit juste après, il y a un autre verset qui suit tout de suite et qui concerne les dirigés, c'est-à-dire ceux qui sont les sujets de ce dirigeant-là, et qui s'applique aux gens en général. Parce que d'appliquer la charia, comme on l'a expliqué, c'est pas juste aux hukam. Il y a des gens qui veulent dire que de juger selon la loi d'Allah, c'est juste pour les dirigeants. Et que les gens du peuple, eux, le peuple, ils peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent, juger comme ils veulent dans toutes leurs affaires. Et ça, c'est une mauvaise compréhension. Le jugement d'Allah, c'est pour tout le monde. Et tout le monde doit juger dans toutes leurs affaires personnelles, familiales, économiques, sociales, selon ce qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et dans la Sunna, pas juste le dirigeant. Donc, juste après, c'est le verset qui a un rapport avec les croyants en général et les musulmans en général. Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, envoyez-le à Allah et aux messagers, sallallahu alayhi wa sallam. Si vous croyez à Allah et au jour dernier, ce sera bien mieux et d'une meilleure interprétation et conclusion. Donc, ça c'est le chef, il dit ça c'est au sujet des sujets ou des gens qui sont dirigés, yani, qui sont sous ce dirigeant, ils doivent juger entre eux selon le Coran et la Sunna. فيجب على الحكام أن يحكموا بشرع الله ويجب على الرعية أن يتحاكموا إلى شرع الله ولا يجوز أن يتحاكموا إلى الطاغوت والقوانين. Donc le cheikh dit que c'est obligatoire pour les dirigeants de juger selon la loi d'Allah, et c'est obligatoire pour les sujets et les citoyens de juger entre eux dans toutes leurs affaires selon ce que Allah a révélé. Et ils n'ont pas le droit de juger par autre que la loi d'Allah, par les lois faites par l'homme, ou par les coutumes, ou par les traditions, ou par les idéologies, ou par autre chose. Toute autre chose qui est contraire à la loi d'Allah, donc il y a des gens dans différents pays musulmans, quand ils ont des conflits, qu'est-ce qu'ils font? Ils jugent selon leurs coutumes, ils jugent selon leurs traditions, ils jugent selon leurs idées personnelles, hein, leurs opinions, hein, pas selon ce que Allah a révélé. Et ça c'est, bien entendu, haram, c'est un grand péché. Et s'ils croient que c'est halal de faire ça, ça peut les faire sortir de l'islam, comme on a expliqué au début. On a clarifié tous les détails à ce sujet-là. Donc, les gens doivent juger, quand ils ont un conflit entre eux, par exemple, des musulmans qui sont des musulmans ordinaires, ils ont un problème, ils ont une question dans leur vie personnelle, eh bien, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent aller et demander aux savants, qu'est-ce que c'est le verdict de l'islam à ce sujet-là? Pas de dire on va juger selon nos traditions ou selon nos coutumes ou selon qu'est-ce qui se passe dans nos pays ou des trucs de ce genre, si c'est contraire à la charia d'Allah. Hein. Et même nous, par exemple, on est ici, par exemple, en France ou au Canada ou ailleurs, si on a des conflits entre nous, hein, on doit essayer de les régler selon ce que Allah a révélé, selon la religion d'Allah entre nous, parce qu'on est des mu'minines. Hein? Donc quand on a un conflit ou un problème, on retourne. Qu'est-ce que Allah il dit à ce sujet-là? Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce sujet-là? Qu'est-ce que les ulama ont expliqué à ce sujet-là? Puis on revient à la vérité de ce que Allah a demandé. Hein? On ne se réfère pas à d'autres références, on se réfère à nos textes et à notre révélation, à la révélation que Allah nous a donnée. On revient à ça. Hein? Que ce soit pour nous ou contre nous. Que ce soit nous qui avons raison dans ce sujet-là, ou que ce soit contre nous, on doit accepter le verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on faisait ça, et si on suivait ces choses-là, on n'aurait pas de problème. Mais parfois, ça arrive que certaines personnes transgressent, et que certaines personnes suivent leur passion, et que certaines personnes, contredisent, hein, par passion, ou pour une raison ou pour une autre, hein, parce qu'il désire de l'argent ou désire d'autre chose. Et bien dans des cas comme ça, les ulama ils ont permis, dans certains cas, que les musulmans qui ont des problèmes avec quelqu'un, que ce soit un musulman ou un non-musulman, tu as un conflit avec quelqu'un sur une question d'argent, quelqu'un t'a pris ton argent, ou il t'a pris quelque chose qui t'appartient, ou refuse de te remettre ce qui t'appartient, ou tu as un conflit avec quelqu'un pour quelque chose de la dunya, tu t'en vas dire au kuffar, écoutez, moi j'ai un problème avec cette personne, il faut que vous tranchiez entre nous, et je veux reprendre mon droit qui m'appartient, parce que cette personne, elle refuse tout ce qui est raisonnable, elle refuse tout ce qui est acceptable, hein, et elle est injuste, et tu n'as pas d'autre moyen de reprendre ton bien et ce qui t'appartient, excepté qu'en allant voir les kuffars et leur demander de juger entre vous. Ça c'est permis de faire ça, et ça ne fait pas partie de juger par le tarot, et ça ne fait pas partie d'accepter une loi qui est contraire à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les ulama ont été questionnés à ce sujet-là, comme même une fois j'ai posé la question à Cheikh Al-Luhaydan à Médine, quand il est venu à Al-Majid Al-Nabawi, je lui ai posé la question, j'ai dit, des fois on est au Canada, il y a des conflits avec des gens, que ce soit des musulmans ou des non-musulmans, et puis là, on est obligé par exemple d'aller à la cour pour reprendre notre droit, ou d'avoir notre droit. Hein. Est-ce que de faire ça, c'est quelque chose qui est haram, et est-ce que ça fait partie de juger par le tarot, des choses comme ça? Et le cheikh a répondu, il a dit, est-ce que vous avez d'autres choix? Vous n'avez pas d'autres choix, même des fois c'est des koufars qui vont vous amener en cour. Hein. C'est pas vous qui allez aller en cour, ou aller demander ça, c'est eux qui vont vous appeler pour dire, bon, vous n'avez pas fait telle ou telle chose, ils vont vous convoquer pour dire, vous devez vous présenter en cours. Parce que là, vous n'avez pas le choix, c'est d'autres exemples. Hein? Tant que vous savez que ça, c'est déjà, c'est pas en accord avec l'islam. Mais votre intention à vous, c'est uniquement de reprendre le droit qui vous appartient. Hein? Et vous voulez la justice, et vous n'avez pas d'autre moyen pour le reprendre que ce moyen-là. Alors vous le prenez, et c'est une question qui a rapport avec les nécessités, hein, à Barua, et dans ce cas-là c'est permis, et ça n'a pas rapport avec de croire au tarot ou de juger par autre que la loi d'Allah, ou bien de croire en ce qui est contraire à la loi d'Allah. Ça c'est très important de comprendre ça. Hein. Il y a des gens parfois qui ont des doutes à ce sujet, c'est important de clarifier ça. Même une fois on a posé la question au Cheikh Falah Ismail, hein, à propos d'une question d'une femme par exemple, son mari là-bas où il la maltraite et il refuse de la divorcer, et elle demande le divorce. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que, j'avais posé la question une fois, est-ce qu'elle a le droit, par exemple, d'aller voir les kuffars et de leur demander de faire un divorce, hein, de le divorcer selon la loi britannique, si on était en Angleterre? Et est-ce que ça va compter, ce divorce-là, malgré que le mari n'a pas prononcé le divorce? Et le cheikh a dit, dans un cas pareil, oui, elle a le droit d'aller voir les kuffars et de leur faire faire un divorce. Et ils vont faire un divorce, et même si le mari n'a pas déclaré qu'elle est divorcée, ça compte comme un divorce. Et ça, ça fait partie, qu'est-ce qu'il appelle? Il a dit, c'est talaq darar, hein. C'est un divorce parce que l'homme a fait du tort à sa femme, hein. Et il n'a pas d'autre solution que ça. Il n'a pas d'autre moyen. Parce que c'est un homme injuste, qui ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala, et qui lui fait du tort, hein. Et donc, elle fait ça pour se protéger, hein, pour protéger sa religion. Parce qu'il y a des hommes injustes dans ce pays, et il y a des femmes parfois aussi qui sont injustes, et qui ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne s'arrêtent pas à la limite de « qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ». Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé les lois et les règles. Mais dans un pays où les lois et les règles d'Allah ne sont pas appliquées, on a le droit d'avoir recours à ces moyens-là pour se sortir de nos difficultés, sinon elle fait quoi la femme, hein? Sinon elle fait quoi l'homme? Non, c'est des exemples. La charia est venue avec la justice, et c'est dans le but d'appliquer la justice, d'accord? Et le fait qu'on vit dans un pays comme ça, ou que ce soit un pays où les détails ou les règles de la charia ne sont pas appliquées, c'est ça ce qui amène des conflits et des problèmes entre nous et dans la société en général. Et c'est pour ça que si on veut vraiment le succès et on veut régler nos problèmes, il faut retourner au verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, pour avoir le succès dans cette dunya et dans l'akhirah. D'accord? Mais, comme par exemple, ici, quand on a des problèmes dans le mariage, divorce, problèmes économiques, ou tout autre problème de ce genre, on n'a pas d'autre, on est pris toujours dans plein de problèmes. Et c'est pour ça que c'est toujours important de penser à aller vers un pays où les musulmans pourront vivre dans leur religion et appliquer les règles de leur religion et ne pas être soumis aux lois des non-musulmans qui sont contraires à la charia. Parce que ça amène une série de complications et c'est un cercle vicieux qui finit jamais. Et c'est là-dedans qu'on est maintenant. Hein? On est en train de tourner en rond comme ça pour essayer de sortir de nos problèmes, puis en fait, quand on regarde la situation des musulmans en général, on voit qu'on s'éloigne, il y a beaucoup de musulmans qui s'éloignent de plus en plus de l'islam, à cause du fait qu'ils sont loin de, justement, d'un contexte où les règles de la religion sont appliquées. Hein? Donc c'est très important. Le cheikh, il dit que, donc, il n'est pas permis de juger selon le tarot et les lois faites par l'homme. Et que la référence ultime, c'est la charia qu'on doit prendre comme référence. Et il mentionne le verset 60 à 61 dans Surat An-Nisa. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا وسبب نزول هذه الآية كما هو معلوم أنه حصلت خصومة بين رجل من المنافقين الذين يزعمون أنهم مسلمون وبين يهودي فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لعلمه أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يأخذ بالرشوة وقال المنافق نتحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي لأنه يأخذ الرشوة ومع زعمه أنه مؤمن فأنزل الله هذه الآية ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وهو كعب بن الأشرف وغيره ممن يحكم بغير ما أنزل الله فكل من حكم بغير ما أنزل الله متعمدا فهو طاغوت والطاغوت من الطغيان وهو الخروج عن الحق وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وإلى قول إلى قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فيحكمون الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ويحكمون ما جاء به من الكتاب والسنة بعد مماته ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset-là il dit: n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce qu'on a fait descendre vers toi, prophète, et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le Tarout, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Et lorsqu'on leur dit « Venez vers ce qu'Allah a fait descendre et vers le messager », tu vois les hypocrites s'écarter loin de toi. Donc, ça c'est un exemple de l'attitude qu'on a montré tout à l'heure entre les croyants et les hypocrites. Hein? Les croyants, ils acceptent la vérité qui vient d'Allah, que ce soit pour eux ou contre eux. C'est pas juste quand le jugement d'Allah est en ta faveur, tu dis « Oui, on juge selon la charia ». Et quand le jugement est contre toi, tu dis « Ah non, on juge selon autre que la charia ». Non, ça c'est de l'hypocrisie. Hein? Tu dois accepter le verdict d'Allah, même que c'est, quand c'est contre toi, quand c'est pour ou contre toi. Hein? Les non-musulmans ici, qui sont les gens qui ne sont pas musulmans en France ou ailleurs, quand ils vont devant la justice de leur pays, est-ce qu'ils disent « j'accepte juste la justice si c'est en ma faveur et quand c'est contre moi je ne l'accepte pas » Ils n'ont pas le choix de l'accepter, que ce soit pour ou contre eux. Mais nous, c'est pas juste une question de quelque chose qu'on nous impose, c'est quelque chose qu'on doit accepter par croyance et par foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est plus que ça encore. On doit l'accepter par croyance et par foi, et l'accepter et se soumettre à ce verdict-là, et ne trouver en nous-mêmes aucune difficulté au sujet de ce que Allah a révélé. Hein? Donc c'est encore plus important pour nous d'accepter le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la raison de la révélation de ce verset-là, c'est que c'est une dispute qui est arrivée entre un hypocrite et un homme parmi les hypocrites. Et les hypocrites, on sait que c'est les gens qui se prétendent musulmans. Ils disent qu'ils sont musulmans et ils cachent leur mécréance. Et la dispute était entre un hypocrite et un juif. Le juif a dit, viens, on va aller prendre comme juge le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, parce que il sait, le juif savait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam accepte pas la corruption. Hein, il prend pas de l'argent pour changer le verdict ou pour dire quelque chose de faux. Hein, donc l'hypocrite, lui, il a dit, non, on va aller retourner au jugement de Ka'b ibn al-Ashraf qui est un juif. Hein, imaginez. Donc celui qui se dit musulman, il refuse d'aller voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il veut aller voir le juif pour que le juif juge, tandis que lui, le juif, il demande d'aller demander le jugement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, et parce que le juif, lui, Ka'b ibn al-Ashraf, il accepte le rishwa, il accepte l'argent pour mentir. Alors, يعني on voit le cheikh dit ma za'amih annahu mu'min, il prétend qu'il est croyant. Donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'as-tu pas vu celui qui prétend, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent qu'ils ont cru en ce qui a été révélé à toi ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ce qui a été révélé avant toi, ils veulent prendre pour juge le Tarout, c'est-à-dire Ka'b ibn al-Ashraf dans ce cas-là, ou toute autre personne qui juge par autre que la loi d'Allah. Donc toute personne qui juge par autre que la loi d'Allah, intentionnellement, le chef il dit qu'il est un tarout. Et le tarout, ça vient de At-Turyan. Wahua al-Khuruj al-Haq. C'est-à-dire de sortir, de quitter la vérité. Alors qu'on leur a ordonné de rejeter le tarout. Et le shaitan, certes, veut les égarer d'un égarement lointain. Et lorsqu'on leur dit « Venez à ce qu'Allah a fait révéler et aux messagers », tu vois les hypocrites qui se détournent de toi et qui s'écartent. Hein? Donc ça c'est la différence entre les croyants et les non-croyants. Hein? Et on a expliqué tout à l'heure la différence entre le kufr akbar et le kufr asrar, que celui qui le fait par désir pour quelque chose de l'argent ou pour quelque chose de la dunya ou par passion, que et qui ne rend pas ça halal, ou qui ne croit pas que c'est permis, ou que c'est meilleur que la charia, que lui n'est pas kafir. On a expliqué ça tout à l'heure, donc pas besoin de rentrer dans les détails à ce sujet-là, c'est juste pour faire comprendre que il y a le kufr akbar et le kufr asrar, et donc ça peut dépendre selon l'attitude ou la situation de la personne ou son état. Et ensuite, Allah a dit non, certes, hein, ils ne seront pas croyants, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants, tant qu'ils ne t'ont pas pris comme juge dans leur dispute entre eux. Donc, que le verdict soit pour ou contre toi, tu n'es pas un croyant si tu n'as pas accepté ce verdict-là, et que tu n'as pas trouvé aucune difficulté quand tu as entendu ce verdict qui vient d'Allah et de son messager, que ce soit pour ou contre toi. Hein, parce que ça fait partie de la foi de l'accepter, parce que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et فَيُحَكِّمُونَ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, donc les croyants, ils prennent le prophète صلى الله عليه وسلم comme juge durant sa vie, et après la mort du prophète صلى الله عليه وسلم, ils reviennent au Coran et à la Sunna pour avoir le verdict, et ils ne trouvent en eux-mêmes aucune difficulté ou insatisfaction de ce qui aura été décrété, et ils vont s'y soumettre en complète et en totale soumission. فيجب على المسلمين حكاما ومحكومين أن يحكموا أن يحكموا وأن يتحكموا إلى شرع الله سبحانه وتعالى ولا يستبدلوه بغيره ولا يقال الحكام نحن نخشى من الدول الكبرى وهذا شيء يفرضونه علينا فهذا لا يجوز لهم لأنهم مسلمون يجب عليهم التزام الإسلام فعندهم في الأعراف الدولية أن لا تتدخل دولة في شأن دولة أخرى في سياستها الداخلية وهذا في حكمهم هم أما حكم الله عز وجل فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولكن إذا رجعنا إلى أنظمتهم وجدنا أنه لا يجوز عندهم أن تتدخل دولة في أنظمة دولة أخرى وشؤونها الداخلية فكيف يقول هؤلاء نحن مفروض علينا فهذا لا يجوز أبدا للحاكم المسلم أن يخضع لغير حكم الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم أن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك وهذا خطاب يشمل كل حاكم من حكام المسلمين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. Le Cheikh explique un point ici qui est important. Il dit que c'est obligatoire pour les musulmans, qu'ils soient des dirigeants ou qu'ils soient des sujets, qu'ils jugent selon ce que Allah a révélé et qu'ils prennent la charia comme juge et qu'ils ne doivent pas la remplacer par quelque chose d'autre. Et les dirigeants ne doivent pas dire on a peur de telle grande puissance ou de tel pays qui est fort. Il nous oblige de faire telle chose. Il dit ça, c'est pas permis de dire ça. Il dit pourquoi? Parce qu'ils sont musulmans et c'est obligatoire pour eux de se soumettre à l'islam et de suivre l'islam. Alors il dit lorsque tu regardes dans les lois internationales ou les trucs internationaux qui ont été établis par les Nations Unies ou des trucs comme ça, il est écrit dans ces textes-là que un État n'a pas le droit de s'ingérer dans les affaires intérieures d'un autre État. Chaque État est responsable de ce qui se passe à l'intérieur de son État et il ne doit pas s'ingérer dans la façon dont tu gères ton État. Donc, le Cheikh dit ça, c'est leur loi, dans leur loi à eux. Mais nous, dans notre religion, on doit juger selon ce que Allah a révélé et on ne doit pas obéir à une créature dans la désobéissance du Créateur. Toutefois, même quand on retourne à leur système et à leurs organisations, on voit que dans leurs déclarations, ils disent eux-mêmes qu'un pays n'a pas le droit de se mêler de la façon dont un État gère ses affaires intérieures. Donc, il n'y a pas d'excuse pour un dirigeant de dire, par exemple, nous, on nous a forcé de faire ça, ou des choses de ce genre. Donc le cheikh il dit, ça c'est pas permis de faire ça, et le dirigeant musulman ne doit pas se soumettre à autre que au verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et juger entre eux selon ce que Allah a révélé, et ne suivez pas leur passion, et prenez garde qu'ils tentent de vous écarter ou de vous faire dévier d'une partie de ce que Allah vous a fait descendre ou a fait descendre sur toi. C'est-à-dire même d'une petite partie. Fais attention pour pas qu'ils te fassent détourner. Donc, ça c'est le chef dit que ça c'est un verset qui s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui s'adresse à tous les dirigeants, parmi les dirigeants musulmans qui viennent après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il doit faire preuve de courage et de force et de conviction, hein. Et peu importe les pressions ou peu importe qu'est-ce que les médias vont faire comme mauvaise publicité et essayer de d'amener l'opinion publique à les détester et à salir leur image et leur réputation. Ça, c'est de nos jours, c'est ça ce qui se passe. Par exemple, même dans les pays de Kufr maintenant, les Kufars, ils disent, vous avez la liberté religieuse, hein, vous avez la liberté d'expression, vous avez la liberté de religion et d'expression et de pensée. Toute personne a le droit d'exprimer ses opinions et ses convictions sans avoir aucune crainte de représailles ou autre chose. Hein? Ça, c'est ce qu'ils disent dans la déclaration. Maintenant, quand quelqu'un parmi les musulmans fait ça et qu'il enseigne sa religion, ben, bien entendu, ils sont obligés de respecter ce qui est écrit dans leur déclaration. C'est leur déclaration à eux. C'est pas, on leur a pas demandé d'écrire ces déclarations-là. C'est eux qui l'ont écrit eux-mêmes. Mais, qu'est-ce qu'ils font par la suite? Ils utilisent les médias et d'autres moyens pour faire de la pression ou pour salir l'image des gens qui enseignent la réalité de l'islam. Donc, nous, alhamdoulilah, on fait ce que Allah nous a ordonné, que ça leur plaise ou que ça leur plaise pas. Hein? Et les mauvaises publicités ou les saletés qu'ils disent, les mensonges qu'ils inventent, ça doit pas t'empêcher de dire qu'est-ce qui est à dire à propos de la religion d'Allah. Il faut pas avoir peur de qu'est-ce qu'ils disent. Hein? Parce que, tout ça, c'est la preuve même que qu'est-ce que tu enseignes, si ça vient d'Allah, si ça vient du Coran et de la Sunna, et que c'est en accord avec ce que les salafs ont enseigné, ça veut dire que c'est la vérité. Et peu importe qu'est-ce qu'ils vont te mettre comme difficulté dans ton chemin, et aller en principe, c'est la preuve que leurs principes à eux sont faux et qu'ils se contredisent, qu'ils ne sont pas capables d'aller jusqu'au bout de ce qu'ils prétendent de liberté et d'autres principes de ce genre. Le chef, il dit donc, pour conclure ce chapitre, il dit فمسألة الحكم بما أنزل الله مسألة عظيمة وفيها تفاصيل كما ذكر أهل التفسير فلا يطلق الكفر على كل من حكم بغير ما أنزل الله بل يفصل في هذا بين من يرى أن حكم غير الله أحسن أو أنه يساوي حكم الله أو أنه مخير فهذا يحكم عليه بالكفر المخرج من الملة أما من كان يرى أن حكم الله هو اللازم وهو الحق ولكن خالفه لهوى في نفسه لهوى أو لرشوة أو لطمع دنيوي فهذا يحكم عليه بأنه كفر دون كفر وأن هذا فسق قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون فيحكم عليه بالفسق ونقص الإيمان وهذا الناقض الرابع من نواقض الإسلام التي ذكرها الشيخ رحمه الله يتضمن مسألة مهمة وهي مشكلة العصر الآن نسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمور المسلمين للحكم بما أنزل الله وأن يوفق المخالفين لذلك أن يرجعوا إلى الحق والصواب. Le cheikh il dit, donc la question qui a rapport avec le fait de juger par ce que Allah a révélé, c'est une question importante et très grande. Et il y a des questions à détailler à ce sujet-là, comme les savants de tafsir, hein, de l'explication du Coran l'ont expliqué et détaillé. Il ne faut pas juste dire d'une façon générale et vague que celui qui juge par autre que la loi d'Allah, il est kafir. Non. Il faut clarifier et détailler la question. Parce qu'il y a une catégorie qui est kufr akbar qui se sortait de l'islam, et il y a une autre catégorie qui est kufr asghar qui ne s'est pas sorti de l'islam. Et si tu ne dis pas ça aux gens, ils vont commencer à dire que toute personne qui juge selon autre que la révélation sont tous des kufars. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est tous kufars. Tout le monde, tous les musulmans sur la terre sont tous kufars si tu dis ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui juge selon tout ce que Allah a révélé, dans toutes les affaires de sa vie, selon ce que Allah a révélé. Hein? Allah il dit « Waman », ça c'est général, toute personne, « Man », c'est « Am ».« Lam yahkum bima », qui n'a pas jugé selon ce que Allah a révélé, c'est-à-dire dans toutes choses, hein? Selon tout ce que Allah a révélé, « Fa ulaika humul kafirun ». Donc ça voudrait dire qu'on serait tous des koufars parce que un moment ou un autre, à un moment ou un autre dans notre vie, il y a une question sur laquelle on juge selon nos passions. Il y a quelque chose au sujet duquel on va suivre notre désir dedans. Et on va contredire ce que Allah a révélé. Est-ce que ça voudrait dire que quand on fait ça, on sort de l'islam? Non. Si tu sais que ce que tu fais c'est péché et que c'est haram, tant que tu dis ça, tu sais que t'es pas en dehors de l'islam. Hein? Mais si tu le rends halal et que tu dis oui c'est permis alors que tu sais que c'est faux, hein, et que tu rejettes le verdict d'Allah, alors là, ça te fait sortir de l'islam. Mais il faut distinguer entre les deux. Ceux, les takfiriens aujourd'hui qui font le takfir en se basant sur ce verset-là, les premiers qu'ils doivent déclarer pour faire, c'est eux-mêmes en premier, s'ils se basent sur ce verset-là. Parce que il n'y a personne qui sort de ce verset. Tout le monde est compris dedans. Les dirigeants et les gens en général. Sauf qu'il faut le comprendre comme les salafs l'ont compris. Hein? Il faut le comprendre comme les salafs l'ont compris. Et les salafs, ils ne l'ont pas compris comme les khawarij. C'est pour ça que le cheikh, il dit, on ne doit pas rendre le verdict du kufr absolu sur toute personne qui juge par autre que ce que Allah a révélé. Il faut détailler et clarifier la question. Celui qui dit que le jugement d'autre qu'Allah est meilleur, ou que c'est égal, et celui qui dit que le jugement d'autre que la loi d'Allah, est meilleur que le jugement d'Allah, ou égal au jugement d'Allah, ou que tu as le choix, ou que c'est permis de juger par autre que la loi d'Allah, ça c'est un kufr qui te fait sortir de l'islam complètement. Hein? Toutefois, il y a une autre catégorie de celui qui reconnaît le verdict qui vient d'Allah et la vérité qui vient d'Allah, et qu'il sait que c'est ça qui est obligatoire, et qu'il sait que c'est ça la vérité, mais qu'il le contredit par sa passion, ou parce qu'il veut, parce qu'on lui donne une somme d'argent, et il aime l'argent, et il aime un poste ou quelque chose de la dunya, et donc lui il juge par qu'est-ce qui est contraire à la charia pour ces choses-là, lui il sort pas de l'islam. Son kufr est un kufr qui est moindre que celui qui fait sortir de l'islam. Kufrun duna kufr, comme Ibn Abbas a dit, et les autres savants de l'islam. Et c'est un fisq duna fisq, hein, c'est un péché qui c'est-à-dire une opposition ou une désobéissance à Allah qui n'est pas une opposition au fondement de la foi et au fondement de l'ordre. Hein. Donc, il mentionne le verset « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ » Celui qui ne juge pas selon ce que Allah a révélé, alors ceux-là sont les fasiquun. Et on a expliqué dans les premiers cours que le kufr, le shirk et le fisq, tout ça, ça se divise en deux. Il y a le kufr akbar et le kufr asghar, le shirk akbar et le shirk asghar, et le fisq akbar et le fisq asghar, et ce qui est akbar te fait sortir de la foi, et ce qui est asghar ne fait pas sortir de la foi. Il faut distinguer entre ces deux choses-là. Et donc le cheikh il dit, celui qui a jugé par autre qu'Allah par sa passion ou pour des choses comme ça, celui-là on ne dit pas qu'il est kafir en dehors de l'islam, on dit qu'il est un pécheur et que sa foi est faible. Hein? Et ça donc c'est tout ce qui a rapport avec le quatrième point parmi les points qui annulent l'islam d'un individu qui se dit musulman. Et donc le cheikh Mohammed Ibn Abd al-Wahhab a expliqué ce point-là qui est très important et qui fait partie des problèmes de notre époque actuellement. Et il dit à la fin un doigt, il dit on demande à Allah de donner à nos dirigeants musulmans le succès et de leur faciliter ou de les amener à juger selon ce que Allah a révélé. Et on demande à Allah de faire que toute personne qui a contredit à ce sujet-là, de revenir à ce qui est vrai et à ce qui est correct. Hein? Et ça, c'est une dua. Donc, Amin, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'exaucer ça. Et, y a Amin. Donc, toutes ces questions-là, on voit qu'actuellement, il y a des groupes parmi les ilmaniyin, les laïcs, qui contredisent ce point-là, ce quatrième naqid. Eux, les laïcs, ils sont en opposition avec ce fondement-là. Et donc, ils ont contredit la foi de l'islam, ils sont sortis de l'islam. Bien entendu, il faut faire attention, comme on l'a expliqué, s'ils sont ignorants, parce que la plupart c'est des ignorants. La plupart de ces gens-là qui se disent musulmans laïcs, c'est des juhals. Et donc, il faut qu'on leur fasse da'wah, il faut qu'on leur explique l'islam. Il faut leur enseigner l'islam par les fondements et par la base. Hein. Et il y en a parmi eux qui ont eu des éducations soufies, qui viennent leur bagage islamique est rempli de choses contraires à l'islam dans leurs croyances, dans leurs pratiques, plein de bid'a, plein de mauvaises compréhensions, plein de superstitions, de sihr et d'autres choses, et des croyances en d'autres choses qui sont en opposition avec l'islam. Donc ces gens-là, ils sont rentrés dans la laïcité sans même comprendre la réalité de l'islam, tu vois. Et j'ai mentionné dans mon livre l'islam ou l'intégrisme, à la fin, il y avait dans le passage sur la laïcité, j'ai mentionné des exemples de certains musulmans qui, dans les pays musulmans, sont devenus soi-disant laïcs. Et quand tu regardes leur éducation et leur entourage, tu vois que c'est des gens qui n'ont aucune connaissance des bases de la religion. Donc ces gens-là, il faut leur enseigner la religion et leur expliquer les bases. Bien entendu, s'ils rejettent la vérité par la suite et ils persistent dans leur position après qu'on leur ait clarifié l'islam, les bases de l'islam, et bien là c'est autre chose, mais dans ce cas-là, bien entendu, ils seront bien entendu des koufars ou des mouchriquins selon leur situation. Wallahu a'lam, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.